Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant d'abord que c'était le triathlon qui avait lieu au cours de la dernière fin de semaine à Saint-Félicien. Et il y avait 200 athlètes qui se sont présentés là-bas. D'abord, Frédéric Bouchard a remporté la victoire. Il a terminé la natation avec un temps de 11 minutes 24. Il a fait 1h05 de vélo et 37 minutes de course pour un temps de 1h54,07. Annie-Claude Godet, chez les femmes, 40-44 ans, a terminé au deuxième rang. Elle a couru 11 minutes 33 natation, 1h07,52 en vélo et en course 40 minutes et 47 secondes. Et David Savard a pris le troisième rang chez les hommes 35-39 ans avec un temps de 12 minutes 20 en natation, 1h06 en vélo et 42 secondes en course pour un grand total de 2h32 minutes. Le responsable, Jean-René Tremblay, sur les ondes de danazosport.com, a dit ce matin qu'il était très, très content de l'événement. On va l'écouter là-dessus. 200 inscriptions, on est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très content des résultats. C'est plus qu'attendu, en fait. C'est une belle réussite, 200 inscriptions. Mais en fait, en plus de ça, tout est super bien été. On peut pas demander mieux. Le beau temps de la partie aussi. C'était une super journée, une belle réussite. Et le calibre était très relevé. Le calibre, en fait, c'est ce qu'on voulait. Hein. Nous, on voulait une participation communautaire de la ville, des environs, de le Beau-Robert-Val, etc. Fait qu'on a une belle participation de ce côté-là. Plusieurs personnes qui étaient à leur premier triathlon, mais aussi, on a eu un calibre très fort des élites de la région. On a eu des élites canadiennes, des hauts calibres, des personnes qui vont même faire des sélections olympiques dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, c'est la beauté du triathlon. On peut avoir des athlètes de plusieurs calibres qui ne se nuisent pas un à l'autre. Ça fait juste une plus belle compétition, puis tout le monde trouve son compte. Parlons maintenant de football. Belle nouvelle pour Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc. Philippe Lavoie qui a eu la confirmation au cours des derniers jours qu'il allait participer au championnat du monde de football U19 qui auront lieu au Texas. Il va représenter l'équipe canadienne qui aura lieu à ces championnats du monde. Maintenant, parlons aussi de football. Les Gaillards de Jonquière ont gagné 42-18 sur les Cougars de Chicoutimi. Ça s'est déroulé en fin de semaine. Et également, victoire des Janois d'Alma contre la formation de Drummondville. Les Janois d'Alma qui l'ont emporté quand même par un pointage de 24-15. Les élites de Jonquière ont remporté une victoire et ont subi une défaite au cours de la fin de semaine. Les élites qui ont perdu 5-4 contre Amos. Donc, dans le premier match, Charles Tremblay a marqué un but d'avantage numérique. Et dans le deuxième match, les élites de Ville-Saguenay ont gagné 8-5 sur Amos. Mikiu Awashish, qui a bien faux quand l'entraînement des Seigneurs, a marqué un but de passe. Et Charles Tremblay a aussi marqué. Le sport local et régional à danazosport.com. On s'en occupe.